J'attendais depuis longtemps que M. X me parle de cette affaire. Et à plusieurs reprises, déjà, je lui avais posé la question. Connaissez-vous la vérité à propos du Rainbow Warrior? Mais mon interlocuteur est ainsi fait qu'il n'entend bien que ce qu'il veut entendre. Et il avait éludé à chaque fois d'un geste de la main. Bref, M. X faisait de la résistance. Et puis soudain, lors de notre dernière rencontre, M. X m'a regardé en souriant. « Ça vous intéresse toujours, Greenpeace et le Rainbow Warrior ?» J'ai naturellement répondu oui. Et c'est ainsi qu'il m'a donné sa version de cette affaire. Une version qui, vous vous en doutez bien, si elle colle avec ce que nous savons des faits, s'en éloigne considérablement lorsqu'il s'agit d'expliquer la nature profonde de la manipulation. Car pour M. X, il ne fait nul doute qu'il y a bien eu manipulation. Mais rappelons d'abord les grandes lignes de l'affaire. Le dossier satanique. Je n'invente rien, satanique, tel était le nom de code de cette désastreuse opération. Faut-il y voir une preuve d'humour? N'oublions pas que nos services secrets sont dirigés par des militaires. Au début juillet 1985, alors que tout le monde ne pense qu'aux vacances, une dépêche à laquelle peu de journalistes français attachent de l'importance est diffusée sur le fil des agences de presse. Un bateau de l'organisation pacifiste Greenpeace a été victime d'un sabotage dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Un photographe d'origine portugaise a été tué dans l'explosion. La Nouvelle-Zélande, c'est loin. Et puis, il n'y a qu'un mort. Or, un théorème journalistique veut que l'intérêt d'un fait divers soit inversement proportionnel à la distance où il s'est produit. Il faut bien 10 000 morts en Chine pour faire jeu égal avec un double meurtre en France. Le sabotage du Rainbow Warrior ne fait donc qu'une brève dans la presse française. Mais deux jours plus tard, on apprend qu'un couple de touristes suisses nommés Turange a été arrêté par la police de Nouvelle-Zélande. On les accuse d'être impliqués dans le sabotage du bâtiment. Cette fois, les journalistes commencent à dresser l'oreille. Qui sont donc ces Turange? À partir de ce moment, les événements vont se précipiter, tandis que David Lange, le bouillant Premier ministre néo-zélandais, parle d'un attentat perpétré par des éléments extérieurs, on découvre que les deux Suisses arrêtés et bientôt inculpés sont porteurs de faux passeports, ils sont en réalité français. Encore quelques jours, et David Lange déclare « Je sais qui a commis l'attentat ». Tous les regards se tournent vers la France. François Mitterrand exige une enquête rigoureuse. La presse, qui va jouer un rôle considérable, met les bouchées doubles. Elle révèle la véritable identité des faux époux de Turange et leur appartenance à la DGSE, notre service de renseignement. On apprend aussi que le Rainbow Warrior devait effectuer une campagne dans le Pacifique Sud contre les expériences nucléaires françaises. Notre pays avait donc un mobile. Mais le ministre de la Défense, Charles Hernu, ni avec la plus grande énergie. Toutefois, les journalistes poursuivent leurs investigations pendant qu'en Nouvelle-Zélande, les policiers qui ont reçu le concours de leurs collègues français découvrent des preuves accablantes de l'implication de nos agents secrets. L'épilogue provisoire, on le sait, sera la double démission de Charles Hernu, qui a nié jusqu'au bout, de l'amiral Lacoste, directeur général de la DGSE, et l'aveu par le Premier ministre Laurent Fabius de la responsabilité de la France et de ses services secrets. Mais que s'est-il réellement passé? M. X, dans un instant, nous révèle ce qu'il sait. Bizarre. Toi et moi, on allait nulle part. Une forme d'amour transitoire, tordu, faussé dès le départ. J'aurais aimé franchir le pas, te dire dans ma vie t'es chez toi. Chat est chaud et craint l'eau froide. Ça n'aura été qu'une balade. Chat est chaud et craint l'eau froide. ces mots sont pour toi. Pour toi toute seule, chaleureuse et glacée, comme le temps qu'il fait. Ils sont pour toi. Je te les donne, cadeau d'adieu écrit sous le soleil d'automne. On était comme deux funambules entre le béton et la lune. Au moindre pas de travers, vous savez qu'on se retrouverait le cœur par terre. Quitte à ce qu'on se quitte un jour, quittons-nous tout de suite. Restons aveugles et sourds, même si nos cœurs palpitent encore. Ça aurait été une belle balade, mais chat et chaud et craignait l'eau froide. Ces mots sont pour toi. Pour toi toute seule, chaleureuse et glacée, comme le temps qu'il fait. Ils sont pour toi. Je te les donne, cadeau d'adieu écrit sous le soleil d'automne. Cadeau d'adieu écrit sous le soleil d'automne. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Mais, attendez, pourquoi avoir hésité si longtemps avant de me parler du Rainbow Warrior ? Permettez-moi de faire un aveu, aujourd'hui encore, je ne connais pas toute la vérité. Ça, de votre part, cet aveu m'étonne, hein, vous m'êtes tellement habitué à tout savoir. Bon, pas d'ironie trop facile. Le Rainbow Warrior, c'est autre chose, c'est une manipulation complètement inédite. Manipulation ? C'est évident. Mais une manipulation, alors, dirigée contre qui ? Alors, si vous regardez objectivement l'affaire, je crois que vous avez le choix. Expliquez. Bon, il suffit de faire la liste des victimes de cette affaire. Ernu, Lacoste, Fabius, bon, je n'oublie pas Mitterrand, même si apparemment il est étrangement passé à travers les gouttes. Ça, c'est vrai. Et puis, il ne faut pas oublier la DGSE elle-même, car notre service de renseignement a été durement touché, souvenez-vous, ridiculisé même, quant à la France. Ouais. Bon, mais... Le manipulateur, alors. Bon, laissez-moi d'abord le temps de vous convaincre qu'il y a eu manipulation. Bon, je vous écoute. Bon, je vais quand même pas vous raconter toute l'affaire, on en aurait pour des heures. Bon, il faut quand même d'abord dire qu'entre Greenpeace et la DGSE, et avant le SDEC, le contentieux est ancien. Les services ont toujours eu à l'œil ces pacifistes qu'ils soupçonnaient d'être verts à l'extérieur, mais très rouges à l'intérieur. On pensait donc qu'ils étaient les alliés de l'URSS. En tous les cas, ses alliés objectifs. Et c'est vrai qu'ils se sont plus souvent attaqués au nucléaire occidental qu'au nucléaire soviétique. Mmh. Enfin, passons. Lors de la première campagne de tir à Mururoa, Greenpeace décide d'envoyer une petite flottille sur les lieux. Le service action du SDEC est aussitôt mobilisé et il est sacrément efficace. Mmh. Il pratique des sabotages ? Écoutez, tout un équipage est d'abord victime d'une étrange épidémie. Mmh. Ils ont tous durablement la colique et ils sont incapables de prendre la mer. Pas bien méchant, ça. Non, mais enfin très dissuasif. Bon, je vous assure. Un autre bateau de Greenpeace brûle dans un port d'Australie. C'est plus méchant, ça. Oui, et un troisième est immobilisé en pleine mer. Il a perdu subitement son hélice. Ce n'est pas fini. Un quatrième bâtiment coule dans un port chilien. Oui, mais à l'époque, ça n'a pas fait de vague, hein, si je puis dire. C'est donc que les services ont été non seulement efficaces, mais discrets. personne n'a jamais pu faire la preuve de leur implication dans ces mystérieux incidents. Ouais, tout le contraire, au fond, de l'affaire du Rainbow Warrior. C'est ce que je voulais dire. Quand les agents français veulent faire du travail propre, ils le font. C'est le premier point que je voulais souligner. Le travail propre, oui. Oui. Le deuxième point, c'est le démarrage de l'affaire. En mars 1985, l'amiral Fage, le patron de la direction des centres nucléaires, se rend chez son ministre. Ernu. Oui, Ernu, un socialiste, mais aussi, comme dirait Jacques Chirac, un fanamili, un ministre qui ne refusera jamais rien aux militaires, qui sont tous sous ses ordres. Ouais. Et que dit l'amiral ? Fage est inquiet. Une nouvelle campagne de tir doit avoir lieu pendant l'été. Or, il sait que les militants de Greenpeace sont sur le pied de guerre et qu'ils vont tenter une opération d'envergure contre nos installations dans le Pacifique Sud. Avec plusieurs bâtiments, dont le bateau amiral de leur flotte, le Rainbow Warrior, bourré d'équipements électroniques. Les écolos vont même tenter un débarquement sur l'atoll de Mururoa. Et comment l'amiral a obtenu ces informations ? Oh, rien de plus facile que d'infiltrer ce genre d'organisation, vous le verrez plus tard. Je veux bien le croire. Alors, que demande l'amiral Fage ? Eh bien, il réclame à corps et à cri une intervention de la DGSE. Pourquoi il n'a pas confiance dans les capacités d'interception de la marine française ? Non. Il soutient que le Rainbow Warrior est trop puissant pour pouvoir être arraisonné. Si puissant même que c'est le bâtiment de Greenpeace qui remorquerait ses assaillants. Ça vous paraît sérieux, ça ? Absolument pas. Ah bon ? Mais l'amiral emporte la conviction de Charles Ernu, il faut anticiper les actions de Greenpeace. Le verbe « anticiper ». Oui, c'est un verbe très intéressant auquel on peut faire dire ce qu'on veut. Anticiper, ça peut vouloir dire se renseigner, prévenir, bien agir. Exactement. Mais dans l'esprit de l'amiral, c'est la troisième acception qui est la bonne. Et c'est ce que comprend Ernu, qui convoque aussitôt un autre amiral, le patron de nos services spéciaux. L'amiral Lacoste. Oui. Et Ernu, très ferme, lui dit « Je ne veux pas voir les écolos débarquer sur Mururoa. À vous d'agir. » Réaction de l'amiral ? Bon, autant que j'ai pu le savoir, il n'a pas été très enthousiaste. Mais chez lui, il y a des hommes qui sont prêts à risquer le coup. Ah, qui ? Par exemple, le colonel Lesker, le nouveau patron des services action. Et vous le connaissez, qui est-ce, là ? Un fonceur, un type formé à la dure école des nageurs de combat, un officier partisan des opérations musclées. Et il est capable d'emporter la décision de l'amiral Lacoste ? N'exagérez pas, Lacoste avait reçu un ordre. Et à moins de démissionner, il ne pouvait pas refuser de l'exécuter. D'autant qu'on lui fait comprendre clairement que l'Élysée approuve. Mais ça, c'est très important. Vous voulez dire que François Mitterrand était au courant ? Bien évidemment. Donc, il a donné son approbation. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Dans un cas pareil, on expose l'affaire au chef de l'État. S'il est contre, il dit aussitôt non. Oui, et s'il approuve ? Il ne dit rien, ou presque. Qui ne dit mot, consent. Voilà. En tout cas, ses échanges sont oraux. Allez, il ne laisse donc aucune trace. Vous avez tout compris. Et dès lors, l'amiral Lacoste va se mettre au travail. Et je suis persuadé que c'est dès ce moment-là que les manipulateurs, eux aussi, vont commencer à faire travailler leur ménage. Oh, Nous allons longuement revenir avec Monsieur X sur la thèse de la manipulation dans cette affaire du Rainbow Warrior. Mais auparavant, je voudrais vous faire part d'une assez subtile analyse de Douglas Porch, un historien américain qui a écrit un ouvrage en deux tomes sur l'histoire des services secrets français, ouvrage paru récemment chez Albin Michel. Je cite Porch. Il se peut que la lumière ne soit jamais complètement faite sur l'affaire du Rainbow Warrior. Certains fonctionnaires semblent toutefois avoir été emportés par un phénomène que l'auteur de romans d'espionnage britannique, John le Carré, a défini comme le plus vieux piège du métier et qui consiste à croire que les imperfections du monde réel sont susceptibles d'être rectifiées par le monde secret. Frisant l'hystérie, la conception du monde et de la place de la France dans celui-ci fut le premier élément qui, au départ, généra une union empoisonnée entre le gouvernement et le renseignement. Selon Paris, les imperfections du monde réel provenaient de la jalousie créée par le désir de la France de s'affirmer comme une grande puissance par la possession de l'arme nucléaire. Cette jalousie était, en vérité, si grande qu'elle paraissait capable d'attirer dans une alliance contre nature les alliés les plus antinaturels de la planète. Bon, laissons une seconde de côté les manipulateurs, comme vous les appelez, à la DGSE. Quel plan exactement mettons au point ? D'abord, il fallait savoir quelle route emprunterait le Rainbow Warrior. Ça ne va pas être difficile, puisqu'on a dit que les services disposaient de taupes hein, au sein de Greenpeace. Exact. Et la DGSE va même réussir à infiltrer une espionne à bord même du Rainbow Warrior. Ah ouais, qui ? Son nom importe peu. Mais son enthousiasme écologiste a été tel que cette jeune femme a pu embarquer sur le bateau amiral de la flotte pacifiste. Donc la DGSE connaissait parfaitement la route maritime du Rainbow Warrior. Oui, et c'est comme ça qu'on a appris que le bateau ferait escale à Papeete. Papeete, c'est chez nous. Rien de plus facile que d'y organiser un sabotage. Mais en même temps, c'était signé l'attentat. Oui. Donc le service action d'Ignette. Deuxième éventualité, une opération en haute mer. Qu'est-ce que c'est, un raisonnement, ça ? Non, quelque chose de plus subtil. Lors d'une escale, on fixe sous la coque une bombe à retardement qui explose lorsque le Rainbow Warrior se trouve loin de la côte. Mais ça veut dire aussi qu'on condamne à une mort presque certaine l'équipage. Or, tant chez Hernu qu'à l'Elysée, on ne veut pas de mort. Alors on envisage une troisième solution. Oui, la DGSE, toujours grâce à cette taupe, apprend que le Rainbow Warrior doit faire escale à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Au début du mois de juillet. Et il est décidé de neutraliser le bateau dans le port. Mais neutraliser, encore un problème de vocabulaire. Neutraliser, ça veut dire quoi ? C'est comme anticiper, ça peut avoir plusieurs sens. On peut saboter l'hélice, le moteur ou le gouvernail, par exemple. Mais pour les décideurs, et surtout pour la direction des centres nucléaires en accord avec Charles Hernus, ça ne suffit pas. Il faut se débarrasser, une fois pour toutes, de ce rafio. Donc le couler, hein, c'est ça. Mais le couler, c'est risqué de provoquer des morts, là encore. Oui, vous avez raison. C'est pourquoi le chef du service action imagine un système à deux temps. Je m'explique. Premier temps, une bombe placée sous la coque provoque une voie d'eau importante. Devant le danger, le capitaine ordonne l'évacuation. Deuxième temps, alors que plus personne ne se trouve à bord, une seconde bombe éclate quelques minutes plus tard et provoque des dégâts irréparables au niveau du moteur. Ouais, pas mal imaginé, non ? Oui, je suis d'accord avec vous, mais pour mener à bien une telle opération dans un pays où les services ne disposent d'aucune structure et soutien sur place, il faut du monde. Beaucoup de monde. Mais vous le savez bien, plus il y a d'acteurs, plus on prend de risques. Et les gens qui veulent organiser le sabotage du sabotage le savent bien. Ah, ça y est, on revient à votre hypothèse, là. Naturellement. Alors, il faut savoir qu'au moins 20 agents, peut-être même 30, vont participer à l'action. Tous, ou presque, appartiennent à la formation des nageurs de combat de la base secrète d'Aspreto. 20 agents, peut-être même 30, mais c'est énorme. Hein. Énorme, oui. Et si vous me permettez de donner une opinion de spécialiste, il y en avait certainement beaucoup trop. Attends, on peut essayer, hein, vous le spécialiste, là, on peut essayer de faire le compte en examinant le rôle de chacun. Si vous voulez. Il y a donc d'abord les 4 équipiers d'un superbe voilier de location, l'UVA. Ceux-là sont chargés de convoyer sur place le matériel. C'est-à-dire les explosifs ? Et le matériel de plongée aussi, ouais. Plus un bateau pneumatique. Puis après cette livraison, ils doivent disparaître et même couler le voilier au moment où on sera en mesure de les récupérer en mer. Et ensuite ? En plus de la taupe qui est à bord du Rainbow Warrior, donc, mais qui évacuera le bateau bien avant le début de l'opération, un jeune Français qui se trouve opportunément à Auckland se fait inviter à bord, le soir même de l'opération. C'est lui qui donnera le feu vert après avoir constaté que l'équipage va aller se coucher. Ouais, on le retrouvera, celui-là ? Sa trace, oui, mais le bonhomme, lui, a pris un avion avant même que le Rainbow Warrior ne saute. Bon. Alors, les autres membres, là les... Bien, il y a les faux époux Tourange. Ah oui, Alain Maffard et Dominique Prieur. Oui. Leur rôle, à eux ? Bah, surveiller le Rainbow Warrior, mais surtout aller chercher les explosifs et le matériel caché quelque part dans un endroit désert de la côte par l'équipage de l'UVA. Puis le remettre aux deux nageurs de combat qui vont arriver à Auckland par un avion de ligne. Et ensuite, récupérer ce matériel et s'en débarrasser. Et encore, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je vous ai parlé de deux nageurs de combat. Ceux-là, ce seront les acteurs principaux. Ils auront la tâche redoutable d'aller placer les bombes sous la coque du Rainbow Warrior. Mais il y a aussi une équipe de soutien d'autres nageurs chargés d'intervenir en cas d'incident. Ah oui, ça commence effectivement à faire du monde. Hein. J'ai pas fini. Car un officier important du service action, le Pacha des nageurs de combat d'Aspreto, se déplace en personne pour superviser l'opération. Et je suis sûr qu'il y en avait d'autres en couverture. Mais tous des gens quand même expérimentés. Tous, oui. Et qui ont subi un entraînement à toute épreuve. Ce qui signifie que les erreurs qu'ils vont faire, Dieu sait s'ils en ont commises, ne sont pas innocentes. Ils vont les commettre sur ordre, sans savoir d'ailleurs forcément que ce sont des erreurs. Dites-moi, l'accusation est d'importance, là. Hein. Je l'admets, oui, mais... Je ne vois aucune autre explication. Je vous l'ai dit, dans le passé, le service action avait montré à d'innombrables reprises qu'il était efficace. Ouais. Et même si l'esprit de la maison n'était plus tout à fait le même, ces spécialistes auraient été incapables de faire des boires de pareil. Laisse-moi rester femme. Laisse-moi rester femme. Je ferai tout pour t'encourager, ne pas t'étouffer, pour que tu m'aimes. Je donnerai tout le temps qu'il faudra. Plus que mes bas noirs, je ne te demanderai plus de m'appeler quand tu rentres tard. Et même si je voulais savoir où tu es et qui tu vois, qui te sépare de moi, je ferais semblant. Et j'aime autant fuir les gens que ça dérange. Mais laisse-moi rester femme. J'abandonnerai mes séries à savon. Je ne te comparerai plus au héros de mes. Qui a réellement donné l'ordre de couler le Rainbow Warrior ? Dans leur livre sur l'histoire de l'espionnage mondial, livre paru aux éditions du Félin, Genofa, Étienne et Claude Moniquet évoquent une note écrite par l'amiral Lacoste à l'intention du ministre de la Défense de la Première Cohabitation, André Giraud. En voici le résumé. Dès le 19 mars 1985, Lacoste affirme que le directeur de cabinet de Charles Hernu lui a demandé de mettre en œuvre les moyens de la DGSE pour interdire au mouvement Greenpeace de réaliser ses projets. L'amiral rappelle alors les conditions d'emploi du service, en particulier l'obligation absolue de ne rien entreprendre dans ces domaines sans en avoir reçu l'ordre formel du président de la République. Le 15 mars, à 18h, François Mitterrand reçoit Lacoste, qui, sans entrer dans les détails, lui fait part des intentions du ministre de la Défense. François Mitterrand confirme l'importance qu'il attache à la poursuite des essais nucléaires et demande aux chefs des services secrets de continuer à empêcher Greenpeace d'agir. Le mouvement va dès lors s'accélérer jusqu'au feu vert final donné par Charles Hernu le 4 juillet au cours d'un petit déjeuner de travail durant lequel il affirme « Il ne faut pas avoir de scrupules sur des sujets aussi vitaux. J'en assume complètement la responsabilité. » Et l'amiral Lacoste de conclure que le président de la République savait, mais qu'il a choisi plus tard de se prêter au jeu de la recherche de la vérité sous la pression des durs et des idéologues du gouvernement, Fabius Jox Badinter. Dans la manipulation que j'évoque depuis le début de cet entretien, il y a au moins un fait que ces instigateurs n'avaient pas prévu. Mais paradoxalement, ce grave incident va favoriser leur sinistre entreprise. Et vous voulez parler de la mort du photographe portugais, c'est ouais, ça hein? Oui, ouais. Vous vous souvenez des circonstances de sa mort? Oui, à peu près, oui. Je crois que la première bombe explose, hein, c'est ça. Mm-hmm. Le Rainbow Warrior commence à couler, l'équipage quitte le bord, mais le photographe réalise soudain qu'il a laissé dans le bateau ses appareils photo, et il remonte sur le bateau. Justement. Et la deuxième bombe éclate. Ouais. Et ça, c'était complètement imprévisible. Mais ça va donner une importance encore plus grande à l'événement. Et ça ne peut que favoriser les desseins des auteurs de la manipulation. Ouais. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de bourde, hein, c'est bien le mot que vous avez appelé, de bourde commise consciemment sur ordre, c'est ça? Oui, tout à fait. Parlons d'abord de l'équipage de l'OVA. Sa mission, je vous l'ai dit, c'est d'apporter sur place le matériel destiné au sabotage du Rainbow Warrior et de le dissimuler dans un endroit désert de la côte. Tout ça afin d'échapper à la curiosité des gabelous néo-zélandais. Oui, ça je me souviens très bien. Oui. D'abord, l'OVA arrive en se faisant remarquer. C'est-à-dire? Erreur de repérage ou pas, le voilier aborde la côte à un endroit très dangereux où les bancs de sable pullulent. Le skipper est très adroit et il réussit à accoster sans encombre sous les applaudissements des marins qui ont assisté à la manœuvre. Pas très discret. Bah, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas fini. Car après avoir repris la mer et débarqué le matériel à l'endroit prévu, les hommes de l'OVA ne repartent pas tout de suite. Non. Ils font la fête, draguent de jolies filles et laissent un petit peu partout des traces de leur passage avant de quitter l'île. Oui, mais ça, c'était peut-être pour mieux jouer leur rôle de touriste. J'ai des doutes, même de sérieux doutes. Bon. Alors, autre bourde? Toujours les mêmes. Les marins de l'OVA? Oui. Quelques jours après l'attentat, les policiers néo-zélandais se lancent sur la trace de l'OVA. Le voilier n'est pas encore coulé. Un renseignement de leurs collègues australiens... Les collègues australiens, c'est-à-dire les collègues australiens des policiers néo-zélandais, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc ça leur permet de localiser le bateau à Norfolk. Aussitôt, ils s'envolent pour l'Australie et tombent sur trois membres de l'équipage, le quatrième s'étant envolé. Les policiers néo-zélandais saisissent des tas de factures et des papiers qui vont parler. Et de quel genre de papier, là? D'abord, une carte marine où figure l'adresse d'un homme qui a hébergé quelques jours la taupe de la DGSE, qui est infiltrée sur le Rainbow Warrior. C'est cette jeune femme, là. Voilà. Ce n'est pas tout. Les policiers mettent aussi la main sur le catalogue d'une agence de tourisme où l'on trouve les empreintes digitales des faux époux Turange. Le lien entre les deux équipes est donc formellement établi. Pensez-vous que des professionnels aguerris auraient commis de telles fautes? Tout ça, c'est en effet... Mais je continue. Troublant. Ce qui se passe d'abord le soir même de l'attentat donne à penser, je résume, à bord d'un Zodiac, l'un des nageurs de combat doit rejoindre la côte et remettre le matériel de plongée au Turange. Mais ce soir-là, à l'endroit prévu pour le débarquement, il y a des pêcheurs. Ah, mais ça, c'était quand même difficilement prévisible. Ah, vous croyez? Ça faisait quand même 3 semaines que les faux Turanges étaient en repérage à Auckland. Mais attendez, c'est pas fini. L'homme du Zodiac apercevant les pêcheurs cherche un autre lieu pour accoster. En arrivant près du rivage, il se débarrasse de son moteur et de 2 engins de plongée et poursuit à la rame. C'est-à-dire qu'il coule le moteur, hein, oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Les Turanges le rejoignent. On commence à charger le matériel dans leur camping-car. Un peu plus loin, deux vigiles surveillent les lieux avec des jumelles. Il y aurait eu des vols dans le coin. Ils sont donc en planque. Ah bah encore une fois, le hasard. Hein. Non, non. Quand il y a trop de coïncidences, je ne crois plus aux coïncidences. Donc les deux vigiles ont non seulement assisté au largage du moteur et des engins de plongée dans la mer, mais ils surprennent cette opération de chargement qu'ils trouvent suspecte. L'un d'eux s'approche, il s'approche même tellement près qu'il parvient à noter le numéro minéralogique du camping-car, avant que celui-ci ne démarre en trombe. Extraordinaire, non ? Oui, si vous voulez. Mais et c'est ce numéro minéralogique qui va permettre à la police néo-zélandaise de remonter jusqu'au Turanges. Naturellement. Et deux jours plus tard, ils vont être appréhendés lorsqu'ils se présenteront à l'agence de location de voitures pour rendre leur camping-car. Alors, nouvelle interrogation, pourquoi n'ont-ils pas fui tout de suite ? Ah ben, peut-être qu'ils ne se savaient pas repérer. Hein. Si, ils ont vu le vigile, c'est pourquoi ils ont démarré si vite. Et j'affirme qu'ils auraient pu disparaître, se débarrasser de leur véhicule et prendre un avion pour n'importe quelle direction. Mais est-ce qu'ils ont expliqué plus tard hein, pourquoi ils sont restés sur place ? Oui, oui, car ils ont téléphoné à Paris. Et Paris leur a ordonné de ne pas bouger. Hautement suspect, ça aussi. Comme sera suspect le coup de téléphone que donnera en France Dominique Prieur après son arrestation. Un numéro de téléphone qui sera identifié sans aucune difficulté par les Néo-Zélandais avec l'aide des policiers français comme appartenant à un bureau de la DGSE au fort de Romainville. Donc, si je vous entends bien, toutes ces fautes ont été commises de façon délibérée. Un grand nombre d'entre elles, oui. Et la suite va me donner raison. À la suite. Oui, cette fantastique entreprise de démolition qui va suivre. Expliquez. Sur place, en Nouvelle-Zélande, tout a été fait pour saboter l'opération et compromettre les agents de la DGSE. Je crois avoir été assez démonstratif, non ? Mais il restait aussi à finir le travail. C'est-à-dire ? Donner à l'affaire le maximum de publicité et démolir l'institution elle-même. L'institution, c'est-à-dire la DGSE ? Oui. C'était ça le vrai but de l'opération. Mais comment ? Vous vous souvenez de l'affaire du Watergate et de celui qu'on appelait Gorge Profonde ? Ah, bien sûr, oui. Eh bien, dans l'affaire du Rainbow Warrior, il existe aussi une Gorge Profonde. Et qui vient d'où, celui-là ? De l'intérieur, de la maison elle-même. Un des manipulateurs ? Oui, un type qui veut faire exploser la DGSE. Mais pour quelle raison ? Allez savoir. Lutte de pouvoir, volonté de déstabiliser le gouvernement, rancœur, enfin, je ne sais pas exactement. Et... Vous ne savez pas qui est cette Gorge Profonde ? Non. Non, et je le regrette, parce que ce type et ses amis, car il n'était certainement pas seul, a fait de sacrés dégâts. Ouais. Mais comment a-t-il agi, alors ? En distillant peu à peu des confidences à des journalistes très bien choisis. Ouais. L'histoire de la troisième équipe révélée par Le Monde et Express, par exemple. Par exemple, oui, en n'hésitant jamais à donner des noms, des détails, qui vont peu à peu conduire le pouvoir à reconnaître ses responsabilités dans l'attentat du Rainbow Warrior. Donc, selon vous, le pouvoir s'est fait piéger hein ? Incontestablement, même si ce n'était pas le pouvoir socialiste qui était directement visé, je vous le rappelle. Mais vous n'avez jamais imaginé, vous, qu'un service étranger aurait pu être à l'origine de cette manipulation ? J'y ai pensé, bien sûr. Enfin, tout le monde y a pensé. Mais pour organiser une manipulation de cette envergure, il fallait se trouver au cœur même du système. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez, vous, ouvert les yeux ? Deux choses. D'abord, l'ampleur des révélations faites par la presse, les journalistes, que je ne critique pas, monsieur Penaud, et ils ont fait leur métier, disposaient forcément d'informations puisées à la meilleure source, c'est-à-dire dans la maison. Or, par nature, un service secret doit demeurer secret. Ah oui, bon, encore que parfois, vous-même, vous ne donnez pas le meilleur exemple. Oui, hein. Oui, mais quand je vous fais des confidences, c'est uniquement pour rétablir la vérité. Ce n'est pas par rancœur ou par ambition. À mon âge, vous savez. Oui, je vous l'accorde. Alors, la deuxième chose. C'est un petit détail, mais un détail qui m'a fait comprendre tout de suite que l'opération était louche. Je vous ai parlé de cet agent à bord de son Zodiac qui a largué son moteur et des engins de plongée. Mais qui a été vu par les vigiles. Oui. Bien, vous pensez que les policiers néo-zélandais se sont précipités pour les récupérer. Ouais. Et j'ai vu des photos de ce matériel. Et qu'avait-il d'extraordinaire, ce matériel ? Il y avait deux bouteilles d'oxygène jaune et un parachute ascensionnel orange fluo. C'est un appareil qui permet aux plongeurs de remonter rapidement à la surface en cas d'incident. Or, des appareils de cette couleur ne sont jamais utilisés par les nageurs de combat français. Je comprends pas. Nos hommes, pour passer inaperçus, n'utilisent que des appareils oxygères de couleur noire. Et leurs parachutes ascensionnels sont également noirs et ne portent pas de marque d'identification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sans vous ? Les hommes qui ont saboté le Rainbow Warrior n'étaient pas des nageurs de combat français ? J'ai pas dit ça. mais je prétends qu'ils ont utilisé du matériel différent de celui qu'ils emploient d'habitude, afin que ce matériel soit immédiatement identifié, et qu'on remonte donc aisément jusqu'à ses acheteurs. Des Français, bien sûr. Dans son livre, écrit en collaboration avec Christine Ockrent, dans Le secret des princes, l'ancien patron du SDEC, Alexandre de Marange, évoque l'affaire du Rainbow Warrior. Et il confirme ce que vient de dire M. X. Estimant d'abord qu'on a voulu porter une estocade au service, c'est-à-dire à la DGSE, nouveau nom du SDEC, il écrit « Je ne conçois pas qu'on commette des maladresses genre petit pousset, qui sème des cailloux blancs pour qu'on le retrouve plus facilement. Cela me paraît impensable. D'après la presse, on va à Londres acheter un canot pneumatique. Et comme par hasard, on tombe sur un vendeur qui est soit un honorable correspondant des services britanniques, soit un officier de réserve des mêmes services et qui, à l'instant même où vous avez refermé la porte de la boutique, premièrement, se penche pour noter le numéro minéralogique de votre voiture, deuxièmement, saute sur le téléphone pour prévenir sa centrale. On aurait pu acheter ce bateau en Belgique, en Hollande, à Cannes, au Portugal, en Espagne, n'importe où. Cela ne peut être une erreur, c'est une provocation. Mais une provocation dans quel but? Pour continuer à détruire le service? Il ne peut que s'agir de cela. Enfin, dans leur livre « Investigation, passion » paru chez Fayard, Jacques de Rogy et Jean-Marie Ponto reconnaissent clairement qu'ils ont été régulièrement informés par une gorge profonde, un homme sur lequel, bien évidemment, les deux journalistes ne donnent aucune indication, mais qui pourrait bien être le manipulateur dont parlait M. X. À samedi prochain sur France Inter.